Nanette, ce qu'au monde entier, je n'ai pas eu peur de crier. À vous, je n'ose pas vous le dire, même tout bas. Est-ce moi qui vous fais trembler et vous empêche de parler? Que pouvez-vous me taire? Quel est ce grand mystère? J'ai dit votre nom à toute la terre. Le monde entier sait que je vous aime. Je l'ai dit aux étoiles même. Alors je ne craignais rien. Et criez mon amour, me faisait de bien. Les roses savent que je vous aime. Je l'ai dit aux nuages même. Vous le direz, serait plus normal. Mais vous le direz à vous, me semble. Le monde entier sait que je vous aime. Je l'ai dit aux étoiles même. Alors je ne craignais rien. Et criez mon amour me faisait du bien. Les roses savent que je vous aime. Je l'ai dit aux nuages même. Le délire serait plus normal.